La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur la radio des bons coups pour la bonne lecture du soir. Ce soir, on avance encore un petit peu notre livre Christmas Pudding d'Agatha Christie. Comme tous les soirs, je retrouve mon cher et tendre monsieur Hercule Poirot, qui malheureusement pour moi est bien plus intéressé par le meurtre de Sir Ruben que par ma personne. Voilà, et aujourd'hui nous entamons le chapitre 10. George déposa près du lit de son maître le plateau sur lequel fumait le café matinal. Monsieur, Miss Margrave portait une robe de mousseline de soie vert pâle le soir du crime. Merci, George. Je vois que je peux compter sur vous. C'est la troisième femme de chambre qui s'occupe de Miss Margrave. Elle s'appelle Gladys. Merci, George. Vous êtes un trésor inappréciable. Pas du tout, monsieur. Il fait beau, dit Poirot, en regardant par la fenêtre. Il est probable que personne ne s'agitera de très bonne heure. Je pense, mon bon George, que nous aurons la salle de la tour pour nous seuls si nous voulons nous livrer à une petite expérience. Vous avez besoin de moi, monsieur ? L'expérience ne sera pas douloureuse, dit Poirot. Les rideaux étaient encore fermés lorsqu'ils arrivèrent dans la salle de la tour. George allait les ouvrir, Poirot l'en empêcha. Laissez la pièce comme elle est. N'allumez que la lampe du bureau. George obéit. Maintenant, mon bon George, asseyez-vous dans ce fauteuil. Installez-vous comme si vous écriviez. Très bien. Moi, je saisis la massue, je me glisse derrière vous, comme ça, et je vous frappe sur le fond du crâne. Oui, monsieur, dit Georges. Ah, mais quand je tape, arrêtez-vous d'écrire, dit Poirot. Vous comprenez, je ne peux pas faire les gestes rigoureusement. Je ne peux pas vous frapper aussi fort que l'assassin a frappé Sir Ruben. Quand nous en sommes là, il faut faire semblant. Je vous frappe sur la tête et vous effondrez comme ça. Les bras étendus, le corps flasque. Laissez-moi vous arranger. Non, ne fléchissez pas les muscles. Poirot soupira. Georges, vous repassez magnifiquement les pantalons, mais vous n'avez pas un brin d'imagination. Je vais me mettre à votre place. À son tour, Poirot s'assit devant le bureau. J'écris, je ne pense qu'à ça. Vous, vous arrivez à pas de loup derrière moi et vous me tapez sur la tête avec la massue. Pan ! Le stylo me tombe de la main, je m'écroule en avant, mais pas très loin, parce que le fauteuil est bas et que, de plus, mes bras me soutiennent. Maintenant, retournez à la porte, restez là, et dites-moi ce que vous voyez. Oui, Georges. Allez-y. Je vous vois, monsieur, assis au bureau. Assis au bureau. C'est un peu difficile de voir exactement. C'est loin et l'abat-jour est épais. Si je pouvais allumer le plafonnier. Georges tendit la main vers l'interrupteur. Non, non, non, non, cria Poirot. Nous nous en tirerons très bien comme ça. Je suis ici, penché sur la table, et vous, vous êtes debout, près de la porte. Avancez maintenant, Georges. Avancez et posez la main sur mon épaule. Georges obéit. Appuyez-vous un peu sur moi, comme pour vous mettre bien d'aplomb. Voilà. Le corps abandonné, Hercule Poirot glissa sur le côté dans la pose qu'il avait recherchée. Je m'effondre, ça y est. Oui, c'est très bien imaginé. Maintenant, il faut faire une chose encore plus importante. Il est indispensable que je prenne un solide petit déjeuner, dit Poirot. Le petit homme éclata de rire, enchanté de sa plaisanterie. L'estomac, Georges, ne doit jamais être négligé. Poirot descendit, riant toujours. Il était content de la tournure que prenaient les choses. Après son breakfast, il fit la connaissance de Gladys, la troisième femme de chambre. Ce qu'elle lui raconta du crime l'intéressa beaucoup. Elle était pleine de sympathie pour Charles, bien que sa culpabilité ne fût pour elle aucun doute. Pauvre jeune homme, dit-elle. C'est tout de même dur pour lui. Surtout qu'à ce moment-là, on peut dire qu'il n'était pas vraiment lui-même. Il devait bien s'entendre, Miss Margrave et lui. Les deux seuls jeunes gens de la maison. Miss Lily était très distante avec lui, dit Gladys en hochant la tête. Elle ne voulait pas d'histoire et le faisait clairement comprendre. Elle lui plaisait beaucoup. Oh, comme ça, en passant, pour ainsi dire. Rien de mal, monsieur. Monsieur Victor Astwell, lui, alors... Il est complètement fou de Miss Lily. dit Gladys en riant un peu bêtement. Ah oui ? Gladys rit de nouveau. Il en a été amoureux tout de suite. Il faut bien dire que Miss Lily est vraiment belle, comme un lys. Vous ne trouvez pas, monsieur ? Si élancée avec des cheveux d'un si joli blond. Pour le soir, elle devrait porter une robe vert clair, dit Poirot d'un air rêveur. Il y a une certaine nuance de vert. Elle en a une, monsieur, dit aussitôt Gladys. Maintenant, elle est en deuil, elle ne peut pas la mettre, mais c'est celle qu'elle portait le soir où Sir Ruben est mort. Il lui faut un vert tendre, rien de foncé, reprit Poirot. C'est justement vert tendre, monsieur. Attendez-moi une minute, je vais vous la montrer. Miss Lily vient de sortir avec les chiens. Poirot le savait aussi bien qu'elle. Ce n'est qu'après avoir vu Lily sortir qu'il s'était mis en quête de la femme de chambre. Gladys partit comme une flèche et revint portant la robe sur un cintre. « Exquis !» s'écria Poirot, les mains levées dans un geste d'admiration. « Confiez-la-moi un instant, que je la vois bien au jour. » Il prit des mains de Gladys la jolie robe et se retourna pour la porter tout près de la fenêtre. Il se pencha pour la mieux voir, puis la tint à bout de bras. « C'est vraiment ravissant, dit-il. Merci de me l'avoir montré. »« Il n'y a pas de quoi, monsieur. Nous savons toutes que les Français s'intéressent aux robes des dames. »« Vous êtes trop gentil, dit Poirot. » Il la suivit des yeux, tandis qu'elle s'éloignait en courant avec la robe. Puis il regarda ses deux mains et sourit. Dans la droite, il tenait une paire de ciseaux minuscules. Dans la gauche, un petit morceau de mousseline de soie verte, soigneusement coupé. « Maintenant, soyons héroïques, se dit-il. » Revenu dans sa chambre, il appela Georges. « Mon bon Georges, vous allez trouver sur la table de toilette une épingle de cravate en or. »« Oui, monsieur. » Sur le lavabo, un petit flacon d'éther. Trempez la pointe de l'épingle dans l'éther. Georges obéit. Il avait cessé depuis longtemps de s'étonner des lubies de son maître. « C'est fait, monsieur. »« Très bien. Approchez, je vous tends mon doigt. Enfoncez-y l'épingle. »« Pardon, monsieur, mais vous voulez que je vous pique ?»« C'est bien ce que je désire. Il faut faire sortir une goutte de sang, mais pas trop tout de même. » Georges saisit le doigt de son maître. Poirot ferma les yeux et tourna la tête. Le domestique enfonça l'épingle et Poirot poussa un petit cri. « Je vous remercie, Georges. Ce que vous venez de faire est magnifique, » dit-il. Il sortit de sa poche le petit carré de mousseline et essuya délibérément son doigt sanglant avec. « L'opération a parfaitement réussi, » déclara-t-il en examinant le résultat. « Vous n'êtes pas curieux, Georges ? C'est admirable. » Georges, qui venait de jeter un coup d'œil par la fenêtre, dit alors « Excusez-moi, monsieur. Un monsieur vient d'arriver dans une grosse voiture. Ah ! L'irascible monsieur Victor Astwell, sans doute. Je descends faire sa connaissance, » dit Poirot. Et il se leva vivement. Il devait entendre monsieur Victor Astwell bien avant de le voir. Des vociférations retentissaient dans le hall. « Regardez donc ce que vous faites, espèce d'idiot. Il y a du verre dans cette caisse. Mais bon sang, Parson, sortez-vous de là. Posez donc ça, imbécile. » Poirot descendit lentement l'escalier. Arrivé en bas, il salua poliment un colosse qui n'était autre que Victor Astwell. « Qui diable êtes-vous ? » rugit le colosse. Poirot salua de nouveau. « Je m'appelle Hercule Poirot. »« Bon Dieu ! Alors Nancy a fini par vous appeler tout de même, » hurla l'autre. Il mit la main sur l'épaule de Poirot et le poussa dans la bibliothèque. « Alors c'est vous le type autour duquel on fait tant de foin ?» dit-il en considérant le détective du haut en bas. « Excusez mon langage de tout à l'heure. Ce chauffeur que j'ai est un âne. Et Parson, ce vieux crétin, me porte toujours sur les nerfs. Voyez-vous, je supporte mal les imbéciles. Heureusement, vous n'appartenez pas à cette catégorie, monsieur Poirot, » ajouta cordialement Victor Astwell. Certains qui l'avaient cru ont regretté leurs erreurs, dit tranquillement Poirot. Alors Nancy vous a trimballé jusqu'ici. Elle s'est mis des idées folles dans la tête à propos du secrétaire de Ruben. Ça ne tient pas debout. Tréfusis est mou comme un chiffre. Je crois bien qu'il ne boit que du lait par-dessus le marché. Il est anti-alcoolique. C'est vous faire gaspiller votre temps, vous ne croyez pas ? Quand on a l'occasion d'observer la nature humaine, on ne perd jamais son temps, dit Poirot d'un ton placide. La nature humaine ? Ah oui. Victor le regarda, puis se laissa choir dans un fauteuil et demanda « Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Oui. Vous pouvez me dire à quel propos vous vous êtes querellé avec votre frère le soir de sa mort ?» Victor Astwell secoua la tête. « Ça n'a rien à voir avec le crime. »« En êtes-vous sûr ? Ça n'avait rien à voir avec Charles Leverson. Lady Astwell est persuadée que Charles Leverson n'a rien à voir avec le crime. Oh, Nancy. Parson croit dur comme fer que c'est Charles Leverson qui est rentré très tard cette nuit-là. Mais il ne l'a pas vu. Rappelez-vous que personne ne l'a vu. Là, vous vous trompez, dit Astwell. Je l'ai vu. Vous l'avez vu? C'est très simple. Reuben avait fortement tarabusté le jeune Charles. Non, sans raison, je le reconnais. Ensuite, c'est à moi qu'il s'en est pris. Je lui ai asséné quelques vérités personnelles, et rien que pour l'embêter, j'ai pris le parti du garçon. Je tenais à voir Charles dès cette nuit-là, pour lui dire ce qu'il en était. Je suis montée dans ma chambre, et je ne me suis pas couchée. J'ai laissé ma porte entrebâillée, et j'ai attendu en fumant des cigarettes. Ma chambre est au deuxième étage, à côté de celle de Charles. « Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Tréfusis, lui aussi, habite au deuxième étage ?»« Oui, » dit Astwell. « Sa chambre vient tout de suite après la mienne. »« Plus près de l'escalier. »« Non, de l'autre côté. » Une lueur étrange éclaira le visage de Poirot, mais l'autre ne s'en aperçut pas et continua. « Comme je vous l'ai dit, j'attendais Charles. J'ai entendu claquer la porte d'entrée vers minuit moins cinq, mais je n'ai pas vu Charles avant au moins 10 minutes. » Quand il est arrivé au palier du second, j'ai tout de suite compris qu'il était inutile d'essayer de lui parler ce soir-là. Victor Astwell leva le coude de façon significative. « Je vois, » dit Poirot. Le pauvre garçon n'arrivait pas à marcher droit. Il faisait une triste figure. Sur le moment, j'ai attribué cela à son état. Maintenant, je me rends compte qu'il venait de commettre son crime. Poirot demanda aussitôt. « Vous n'aviez entendu aucun bruit venant de la salle de la tour ?»« Non. » Mais souvenez-vous que j'étais exactement à l'autre extrémité de la maison. Les murs sont très épais et je ne crois pas que j'aurais pu entendre même un coup de feu de tirer de la tour. J'ai demandé à Charles s'il avait besoin d'aide pour se mettre au lit, mais il m'a dit qu'il s'en tirerait très bien. Il est rentré chez lui et il a claqué la porte. Alors je me suis déshabillée et couchée. Poirot contemplait le tapis d'un air songeur. « Vous rendez-vous compte de l'importance de cette déclaration, Monsieur Astwell ?» dit-il enfin. « Oui. » Du moins, que voulez-vous dire? Selon cette déclaration, 10 minutes seraient écoulées entre le moment où Leverson a claqué la porte d'entrée et celui où il est apparu au deuxième étage. Je crois savoir qu'il dit lui-même être monté directement se coucher en rentrant. Mais il y a autre chose. L'accusation portée par Lady Astwell est fantastique, je l'admets. Jusqu'à présent, toutefois, rien ne prouvait qu'elle fût injustifiable. Mais votre déclaration crée un alibi. « Comment ça ?» Lady Astwell dit qu'elle a quitté son mari à minuit moins le quart, alors que le secrétaire était monté se coucher à 11h. Le seul moment où il aurait pu commettre son crime se place donc entre minuit moins le quart et le retour de M. Leverson. Si, comme vous le dites, vous attendiez devant votre porte ouverte, Tréfusis n'a pas pu sortir de sa chambre sans que vous le voyiez. « C'est vrai, » dit Victor Astwell. « Il n'y a pas d'autre escalier ?»« Non. » Pour descendre à la salle de la tour, il fallait qu'il passe devant ma porte, et il n'y est pas passé, j'en suis absolument sûre. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, il est trop timide, ça, je peux vous l'assurer. Oui, oui, je comprends tout ça. Et vous ne voulez toujours pas me dire la cause de votre dispute avec Sir Reuben ? Victor Astwell devint écarlate. Vous n'obtiendrez rien de moi. Poirot regarda le plafond. Je sais être discret, dit-il presque à voix basse, lorsqu'il s'agit d'une femme. Astwell bondit. Sacré nom. Comment savez-vous? Qu'est-ce que vous insinuez? Je pense à Miss Lily Margrave, dit Poirot. Victor Astwell resta debout, indécis, pendant une minute, puis il retrouva son teint normal et se rassit. Vous êtes trop malin pour moi, monsieur Poirot. C'est bien au sujet de Lily que nous nous sommes querellés, Reuben et moi. Il s'acharnait contre elle. Je ne sais ce qu'il avait découvert, quelque chose comme de fausses références. Mais je n'en crois pas un mot. Après ça, il a dépassé les bornes. Il a prétendu qu'elle sortait la nuit pour aller retrouver des hommes. Mon Dieu, qu'est-ce que je lui ai passé? Je lui ai dit que des plus forts que lui s'étaient fait descendre pour en avoir dit moins que ça. Et ça l'a fait taire. Reuben avait peur de moi quand je piquais une crise. Je n'en suis pas surpris, dit aimablement Poirot. J'estime beaucoup Lily Margrave, dit Victor Astwell sur un ton différent. C'est une fille bien, à tous les points de vue. Poirot ne répondit pas. Il regardait droit devant lui, apparemment perdu dans ses pensées. Il en sortit avec un sursaut. « Je crois que j'ai besoin de me dégourdir les jambes, dit-il. Il y a bien un hôtel par ici. Deux, dit Astwell. L'hôtel du golf, qui se trouve à mi-hauteur, tout près du terrain de golf, et l'hôtel de la Mitre, en bas, près de la gare. Je vous remercie. J'éprouve vraiment le besoin de faire un tour. L'hôtel du golf est situé comme il convient, sur le terrain même du golf, presque contre la villa du club. C'est là que Poirot se dirigea tout d'abord. Il avait une façon à lui de faire les choses. 3 minutes après avoir pénétré dans l'hôtel, il avait obtenu de Miss Langdon, la directrice, une audience privée. « Je suis désolée de vous déranger, mademoiselle, mais voyez-vous, je suis détective. » Il préférait à tout la simplicité. Dans ce cas, l'efficacité de sa méthode apparut aussitôt. « Un détective ?» répéta la directrice, en le regardant avec un air un peu convaincu. « Je n'appartiens pas à Scotland Yard, » expliqua-t-il. « En réalité, et vous, vous en êtes peut-être aperçu, mais je ne suis pas anglais. Je procède à une enquête privée sur la mort de Sir Reuben Astwell. »« Qu'est-ce que vous me dites ? Alors ça ?» Miss Langdon le regardait avec des yeux ronds comme des soucoupes. « Mais oui, » dit Poirot, ravi. « Naturellement, je ne peux le révéler qu'à une personne discrète comme vous. Je crois, mademoiselle, que vous pouvez m'aider. Pourriez-vous me dire le nom d'un monsieur qui habitait ici au moment du crime, qui se serait absenté de l'hôtel ce soir-là ? Il ne serait rentré que vers 00h30. » Miss Langdon faisait des yeux de plus en plus ronds. « Vous ne pensez pas, » dit-elle dans un souffle, « que le criminel était chez vous ? Non. Mais j'ai des raisons de penser qu'un de vos clients est allé se promener dans la direction de mon repos cette nuit-là. Dans ce cas, il a pu voir des choses qui, sans avoir de sens pour lui, pourraient m'être utiles. » La directrice hocha la tête avec sagacité et prit l'air visé d'une personne très au courant des enchaînements logiques dans une enquête. « Je comprends parfaitement, » dit-elle. « Voyons, laissez-moi chercher. Qui avions-nous alors ?» Elle fronça les sourcils, récapitula en pensée les noms des clients qu'elle avait à cette époque. « Le capitaine Swan, M. Elkins, le commandant Blunt, le vieux M. Benson. Non vraiment, monsieur, je ne crois pas qu'aucun d'entre eux soit sorti ce soir-là. Si l'un d'entre eux l'avait fait, l'auriez-vous remarqué ?» Sûrement, car c'est très rare. Voyez-vous, ces messieurs vont quelquefois dîner dehors. Ils s'absentent une heure ou deux, mais ils ne sortent pas après dîner parce que, n'est-ce pas, il n'y a nulle part où aller. Les attractions d'Abbot's Cross se limitaient au golf et uniquement au golf. C'est exact, reconnut Poirot. Alors, autant que vous pouvez vous en souvenir, personne de chez vous n'est sorti cette nuit-là. Le capitaine England et sa femme sont allés dîner dehors. Poirot secoua la tête. « Ce n'est pas à ce genre de sortie que je pense. Je vais aller voir à l'autre hôtel, l'hôtel de la Mitre, je crois. »« Oh, l'hôtel de la Mitre ? Vous avez raison. De là, n'importe qui aurait pu aller faire un tour à pied. » Évidemment, elle ne tenait pas la clientèle de la Mitre en haute estime. Poirot se retira avec tact et dignité. 10 minutes plus tard, il répéta la même scène avec Miss Cole, la directrice de l'hôtel de la Mitre. Moins prétentieux et moins cher. Situé tout près de la gare. Il y a un monsieur qui est resté tard dehors ce soir-là. Il est rentré vers 00h30, si je ne me souviens bien. C'est une habitude chez lui. Il aimait se promener au milieu de la nuit. Il l'avait déjà fait une fois ou deux. Voyons, comment s'appelait-il ? Pour l'instant, je ne retrouve pas son nom. Elle ouvrit un grand registre et se mit à en tourner les pages. 19, 20, 21, 22. Ah, voilà ! Naylor. Le capitaine Humphrey Laynor. Il était déjà venu chez vous, vous le connaissez bien ? Il était déjà venu une fois, à peu près 15 jours plus tôt. Je me rappelle que la première fois déjà il sortait la nuit, dit Miss Cole. Il était venu pour jouer au golf ? Je le crois, c'est ce qui attire la plupart de nos clients. Je le crois aussi. Eh bien mademoiselle, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite le bonjour, dit Poirot en s'en allant. Le détective retourna à mon repos. Il avait l'air préoccupé. Plusieurs fois, en marchant, il regarda un petit objet qu'il tirait de sa poche. « Il faut se décider, » murmura-t-il, se parlant à lui-même, « et faire vite, saisir la première occasion. » Et c'est ici que se termine notre chapitre 10. Je vous donne évidemment rendez-vous demain pour le chapitre 11. Bonne soirée. La lecture du soir. sur la radio des bons coins. La bonne lecture. Pour s'endormir, tout en écoutant. La lecture du soir, avec Mona et Louison. Bonsoir, vous écoutez la lecture nocturne sur Radio Bon Coin. Dans les épisodes précédents, Alex Blocker a appris qu'il était le père de Cory, et dans la foulée, il a pécho sa mère. La mère de Cory, pas sa mère à lui. C'est un livre harlequin, mais ça reste correct. Alex, donc, a également découvert que le père de Messi ne l'a pas abandonné comme elle le pense depuis des années, et il compte calmer sa colère envers les hommes en le lui révélant. Voilà, après ce résumé un peu bancal, on y retourne. Tenant Cory par la main, Messi fit un détour par sa boîte aux lettres pour prendre son courrier du jour. Puis elle remonta à l'allée qui menait chez elle. Alex ne devait pas être loin, car son 4x4 rouge était garé à sa place habituelle, dans la rue, derrière la vieille voiture de Willady. La jeune femme déverrouilla la porte d'entrée. « Avez-vous fait quelque chose aujourd'hui, oncle Alex et toi ?» demanda-t-elle. Un large sourire éclaira le visage de Cory. « Oh oui, on s'est drôlement bien amusé. On a joué au foot et il m'a montré comment on tire au but. Avant, je ne savais pas tirer. Mais oncle Alex m'a dit que maintenant, je me débrouillais très bien et que quand je serais plus grand, je saurais tirer comme un champion. » La jeune femme fut surprise. Elle n'aurait jamais pensé qu'Alex prendrait son rôle de père avec autant de sérieux. Avait-il changé à ce point? Pensive, elle referma la porte derrière elle. De toute évidence, Willady avait fait entrer le technicien en air conditionné, car il régnait à l'intérieur une température délicieusement fraîche. La jeune femme suspendit sa blouse blanche à un porte-manteau près de la porte, puis se retourna et s'arrêta net en voyant Alex sortir de la cuisine. « Que fais-tu là ? » demanda-t-elle, stupéfaite. « Ta climatisation ne fonctionnait plus. Je m'en suis occupée. » Apparemment peu intéressée par la température intérieure, Cory mit la télévision en marche et se laissa tomber sur le canapé devant l'écran. Mais je ne voulais pas que ce soit toi qui le fasse, protesta Messi. Je n'ai rien réparé. L'appareil était hors d'usage. Le spécialiste voulait te vendre un système de luxe au double du prix normal. Je l'ai renvoyé. Mais il fait frais pourtant. Qu'est-ce que tu as fait ? À cet instant seulement, Messi s'aperçut que l'appareil fixé au-dessus de la fenêtre du séjour était flambant neuf. « D'où vient ce climatisateur ? » demanda-t-elle. « De Darlington. Il y avait une liquidation au centre commercial, et j'ai acheté un appareil. »« Tu n'étais pas obligée. Et puis, je n'ai pas besoin de ta charité. J'ai de l'argent. Je vais te rembourser, » répliqua Messi d'un ton sec, tirant son porte-monnaie dans son sac. Alex croisa les bras, l'air sombre. « Ce n'est pas pour toi que je l'ai fait, mais pour mon... pour lui, » dit-il en désignant Cory du regard. Penaude, Messi sentit une boule d'émotion se former dans sa gorge. « Je ne sais pas quoi dire. »« Un simple merci suffira, » dit Alex en se dirigeant vers la porte. « Grand-mère m'a demandé de faire une course pour elle à l'épicerie, » ajouta-t-il, évitant avec soin le regard de Messi. « À plus tard, petit gars, » dit-il à Cory. « À plus tard, » répéta l'enfant sans quitter des yeux l'écran de la télévision. « Merci. » dit Messi, terriblement ennuyé d'avoir blessé Alex. Sans répondre, il quitta la maison. La jeune femme le vit monter dans sa voiture et s'éloigner. Cet homme était une véritable énigme. Elle ne parvenait pas à le cerner. Un instant, il se montrait chaleureux et ouvert, et l'instant d'après, il devenait aussi froid qu'un glaçon. Elle haussa les épaules, puis dépouilla son courrier. Comme il s'agissait principalement de prospectus publicitaires, elle jeta le tout sur la table basse et gagna la cuisine pour préparer le dîner. Tout en mettant la touche finale à son gratin, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et resta un moment immobile à regarder la maison voisine. Elle venait d'apercevoir Alex dans la cuisine de Willadine. Elle sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Y avait-il un instant dans la journée où cet homme était un peu moins superbe ? De toute évidence, il aidait Willadine à préparer le repas. Émue par cette scène familiale, Messi songea que ce serait merveilleux si Alex et elle... « Maman, quand est-ce qu'on mange ? Je meurs de faim, moi !» Messi sursauta et s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son plat dans le four. Combien de temps était-elle restée à rêver comme une adolescente devant la fenêtre ? Serait-elle en train de retomber amoureuse d'Alex? Ou n'avait-elle jamais cessé de l'aimer? Le lendemain matin, avant de se rendre à son travail, elle prit sur l'étagère de la penderie un paquet enveloppé d'un papier de couleur vive. « On va porter son cadeau à grand-mère maintenant, maman ?»« Pourquoi ?»« Elle nous a invités ce soir pour sa fête d'anniversaire, » s'étonna Cory. Sa maman plaça le paquet entre ses petites mains. « Fais bien attention à ne pas déchirer le papier, tu veux ?»« Oui, je ferai attention. »« Mais pourquoi tu m'as pas dit pourquoi on lui donne son cadeau maintenant ?» insista le garçon, tenant le paquet avec précaution. Messi savait que son fils ne lui laisserait aucun répit avant d'avoir obtenu une réponse. « Je risque de travailler tard ce soir et de rater une partie de la fête. Je veux être sûre que grand-mère aura son cadeau, même si je ne suis pas là. » Elle saisit son sac à main et ouvrit la porte d'entrée. « Allons-y, il ne faut pas que je sois en retard au dispensaire. » En fait, elle avait l'intention de ne pas se rendre du tout à la fête d'anniversaire. Les paperasses qui s'accumulaient, une conséquence de la tempête, lui fourniraient une bonne excuse pour rester au bureau. Cory la suivit, les lèvres pincées dans son application à porter cérémonieusement le paquet, et ils traversèrent les pelouses étincelantes de rosée sous le soleil du matin. La jeune femme savait que Willadine serait déçue de son absence, et elle-même regrettait de ne pas participer à cette fête. Mais elle n'était pas prête à supporter la présence d'Alex Blocker, après la froideur qu'il avait manifestée la veille. Mais pourquoi se montrait-il si froid, alors qu'elle ne rêvait que de se jeter dans ses bras dès qu'elle le voyait ? En tout cas, Cory serait présent à la fête. C'était le moins qu'elle puisse faire. Après tout, il était l'arrière-petit-fils de Willadine, même si presque personne ne le savait. Tout de même, elle manquait sacrément de courage. Il fallait absolument qu'elle voie Alex pour trouver un accord avec lui. Mais pour l'instant, elle ne se sentait pas prête à affronter une discussion à ce sujet. Et puis, il y avait une raison secrète à laquelle elle évitait de trop penser. Elle n'était pas très sûre de pouvoir maîtriser son désir lorsqu'elle se trouvait près de lui. Dans ces conditions, mieux valait l'éviter. Debout, les bras croisés sur le seuil de la cuisine, Alex écoutait Messi présenter ses excuses à grand-mère. Elle ne viendrait pas à la fête. Plus il l'écoutait, et plus sa colère grandissait. De plus, la jeune femme fuyait son regard et mentait avec un aplomb incroyable. Qui pouvait croire à une aussi ridicule excuse ? Et elle se plaignait qu'aucun homme ne se soit jamais montré loyal avec elle ? Quelle toupet ! S'était-elle montrée loyale avec lui ? Et avec Cory ? Ne devait-elle pas à son enfant la vérité sur ses origines ? Elle embrassa son fils et quitta la maison. Pendant ce temps, il était sorti discrètement par la porte de derrière et rejoignit Messi avant qu'elle ait atteint sa voiture. Sans bruit, il se glissa derrière elle et lui toucha le bras. Surprise, elle poussa un cri étouffé et retira son bras comme s'il l'avait brûlé, laissant tomber son sac. « Qu'est-ce qui te prend de te glisser comme un voleur derrière une femme ? » s'écria-t-elle. Sorti dans un élan de colère, Alex se sentit soudain tous ses griefs tomber d'un seul coup. Devant Messi, nimbé de la douce lumière du matin, il ne pensait qu'à des draps froissés et des nuits de passion. « Essaie de venir chez grand-mère ce soir, » grommela-t-il, essayant de calmer le désir qui l'envahissait chaque fois qu'il la regardait. « Elle compte vraiment sur ta présence. Elle t'a toujours considéré comme un membre de sa famille. Et maintenant plus que jamais. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour elle. Je ne t'ennuierai pas. » Les yeux noisettes soutinrent son regard. « J'ai vraiment beaucoup de travail en retard à rattraper ce soir. Mais si je finis assez tôt, j'essaierai de faire un saut. » Il mourait d'envie de la prendre entre ses bras et de l'embrasser à perdre haleine. Mais il savait pertinemment que c'était la dernière des choses à faire. « C'est tout ce que je demande, » dit-il d'un ton bourru. Puis il tourna le dos et regagna à grands pas la maison de Willadine. Messi avait réellement du travail en retard au dispensaire, mais cela ne lui prit pas aussi longtemps qu'elle l'avait espéré. Les patients étant peu nombreux, il ne lui fallut qu'une heure et demie pour terminer. S'il rentrait immédiatement, elle arriverait alors que la fête battait son plein. Elle serait obligée de s'y rendre. Et alors, comment éviter Alex ? La maison de Willadine était trop petite pour cela. Que faire ? Messi bâilla et s'étira. Elle se sentait si fatiguée qu'elle aurait très bien pu s'allonger à même le parquet et s'endormir. La nuit de la tempête, elle n'avait pas beaucoup dormi, et les nuits suivantes, son sommeil avait été troublé par ses problèmes avec Alex. Jamais ses longues heures de travail d'étudiante en médecine ne l'avaient fatiguée à ce point-là. Une bonne nuit de sommeil lui permettrait peut-être de penser assez clairement pour savoir que faire avec Alex. Après quelques secondes de réflexion, elle décida de rentrer discrètement chez elle pour faire un petit somme. Les invités de Willadine seraient bien trop occupés pour la voir arriver, pensa-t-elle. D'un coup d'œil furtif, Alex consulta sa montre. Il était 22 h et Messi n'était pas encore revenu. La fête allait bientôt se terminer et il était largement l'heure pour Cory d'aller se coucher. Assis sur le parquet près de la télévision, l'enfant luttait bravement contre le sommeil, mais ses yeux, par moments, se fermaient tout seuls. Alex décida de ramener son fils chez Messi pour qu'il dorme dans son lit. Mais où était-elle donc? Se frayant un chemin parmi les nombreux invités, il gagna la cuisine où sa grand-mère était en grande conversation avec sa mère, venue spécialement en voiture de Washington pour l'anniversaire avec son nouveau mari. Le père d'Alex était mort dans un accident de tracteur qui n'aurait pas été fatal si la famille avait pu payer une hospitalisation. Après son décès, sa mère avait travaillé dur comme femme de ménage pour leur procurer le nécessaire à sa sœur et à lui. Puis elle avait rencontré et épousé George, un homme doux et gentil, qui lui avait offert une vie agréable. « Excusez-moi de vous interrompre toutes les deux, mais Cory tombe de sommeil, et il faudrait appeler Messi au dispensaire pour qu'elle rentre. »« Nous pourrions installer un matelas dans ta chambre, » suggéra grand-mère. « Messi ne rentre pas parce qu'elle a énormément de travail, je suppose. Elle a dû oublier l'heure. » Elle décrocha le récepteur du téléphone mural et composa un numéro. Alex entendit résonner la sonnerie à l'autre bout du fil, mais personne ne répondit. « Elle est déjà partie, » conclut grand-mère. « Elle doit être en route. » « Tu as sûrement raison. Donne-moi les clés de sa maison. Je vais coucher Cory et attendre que sa mère arrive. Il sera mieux dans son propre lit. » Il tenait à être chez Messi quand celle-ci rentrerait. Il lui en voulait terriblement d'avoir fait faux bond à grand-mère, tout cela parce qu'il était présent. Et il entendait bien lui dire ce qu'il pensait de son comportement. « Non, veux rester, » protesta mollement Cory quand il le souleva. « Chut, il est tard. C'est l'heure pour toi de rentrer te coucher. » « Il faut porter du gâteau à maman, » marmonna Cory en se frottant les yeux. Willadine prépara une assiette en papier enveloppée dans du papier d'aluminium. « Quand elle rentrera, Messi sera fatiguée et elle aura faim, j'imagine. Ceci lui fera un petit encas. » « Tiens, fiston, » dit Alex tendant l'assiette à Cory. « Grand-mère te donne du gâteau à porter à ta maman. » Cory tendit la main et serra fort le gâteau sur sa poitrine. Puis, chargé de son précieux fardeau, il se dirigea vers la porte. Messi avait eu l'impression d'être un cambrioleur à se glisser ainsi dans le noir à l'intérieur de sa propre maison. La fatigue brouillait ses pensées. Après avoir renversé du café sur ses vêtements, elle avait nettoyé les taches et enfilé immédiatement sa chemise de nuit pendant que ses vêtements séchaient. Puis elle s'était confortablement installée dans un fauteuil pour réfléchir calmement à la situation. Pour la première fois depuis une semaine, elle se sentait assez forte pour discuter avec Alex. Réprimant un bâillement, elle se leva pour ramasser à tâtons ses vêtements, quand soudain, un bruit étrange alerta. Quelqu'un essayait de s'introduire dans la maison. Du regard, elle chercha autour d'elle dans la pièce sombre un objet qu'elle pourrait prendre pour se défendre. Que pourrait-elle utiliser pour repousser un intrus qui essayait d'entrer par la porte? Par la porte? Aucun voleur digne de ce nom n'entrerait par la porte de devant, avec une fête battant son plein chez la voisine. C'était probablement Willadine qui l'avait vu arriver et qui ramenait Cory. Messi poussa un soupir de soulagement et appuya sur le bouton qui éclairait le cadran de sa montre. 22 h passées? Son fils aurait dû être au lit depuis longtemps. Mais Willadine ne pouvait pas laisser ses invités pour ramener Cory. Dans ce cas, il ne restait qu'une explication possible. Alex était devant la porte avec son fils. Il allait la prendre en flagrant délit de mensonge et la surprendre en chemise de nuit. Des deux choses, laquelle était la pire? Messi voulut courir à sa chambre pour enfiler son peignoir, mais il était trop tard. La porte d'entrée s'ouvrit bruyamment. Dans la lumière qui inonda le séjour, Messi cligna des yeux, comme un voleur pris dans le faisceau d'une lampe torche. Relevant le menton, elle se prépara à recevoir les remarques désagréables qu'elle méritait probablement. Mais l'affrontement attendu ne vint pas. Alex passa devant elle, l'air sévère, et porta Cory dans sa chambre. La jeune femme se hâta d'aller prendre son peignoir suspendu derrière la porte de sa chambre et l'enfila rapidement. Puis, regagnant le hall, elle attendit, le cœur battant, essayant de trouver une explication plausible. Les secondes s'écoulèrent, interminables. Si les choses avaient été différentes, ils auraient pu installer ensemble leur fils dans son lit. Mais ce soir, ils semblaient aussi éloignés l'un de l'autre que les deux pôles. Quand Alex sortit de la chambre de Cory, il s'arrêta sur le seuil. Et mes filles se sentit émues aux larmes en le voyant adresser de loin un baiser à leur fils. Ce geste, incongru de la part d'un homme à la stature si imposante, paraissait tellement naturel. Enfin, il se retourna, et Messi frissonna en voyant son air furieux. Instinctivement, elle resserra son peignoir autour d'elle. « Ce n'est pas le moment idéal pour te demander comment s'est déroulée la fête chez ta grand-mère, j'imagine, » dit-elle faussement enjouée. Alex s'approcha d'elle, tenant quelque chose dans son large poing. Messi, effrayée, battit des paupières. Il n'allait tout de même pas la frapper. Sans ménagement, il plaça entre ses mains un paquet enveloppé dans du papier d'aluminium. « Du gâteau que grand-mère t'envoie. Apparemment, elle ne t'en veut pas. » Il s'interrompit et inspira profondément avant de poursuivre. « Elle a supposé que tu aurais faim, après tes dures heures de labeur au dispensaire. » Ses yeux étincelaient. « Alex, il faut que nous parlions de tout ça, » balbutia-t-elle à court d'inspiration. Il fixa sur elle un regard teinté de mépris et de dégoût. Puis, passant devant elle, il saisit la poignée de la porte d'entrée. « Que nous parlions ? Et de quoi ? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de t'écouter maintenant ?»« C'est vrai, je suis lâche. Pour Cory, pour ce soir, je ne sais que dire. Et pour être tout à fait franche, je ne veux pas parler de tout cela maintenant. » Alex ouvrit la porte. « Moi non plus, je ne suis pas d'humeur à discuter avec toi, » répliqua-t-il. L'instant d'après, il claquait la porte derrière lui. À la fois tremblante et soulagée, Messi laissa tomber le gâteau empaqueté sur la table basse et se dirigea vers la porte pour la verrouiller. Mais elle s'ouvrit brusquement à la volée. « J'ai oublié quelque chose, » dit Alex en entrant. Emprisonnant la jeune femme entre ses bras, il prit ses lèvres avec une passion qui l'enflamma tout entière. Son baiser était à la fois possessif et inquisiteur, comme s'il cherchait, en l'embrassant, à deviner ses pensées. Doucement, il lui caressa les épaules, faisant naître des frissons délicieux le long de son dos. Apparemment, il déchiffrait sans difficulté ses messages muets, car au moment où elle allait le supplier de lui faire l'amour, il la souleva et la porta dans sa chambre. Après l'avoir allongée sur le lit, il se redressa et la fixa avec intensité. « Si tu me dis de partir, je partirai, » dit-il d'une voix étrangement enrouée. « Mais dis-le-moi maintenant, parce qu'ensuite, je ne suis pas sûre que je pourrai m'arrêter. »« Je veux que tu restes, » murmura Messi. Les jours précédents, elle avait rêvé qu'Alex retourne à sa base et la laisse tranquille. Ainsi, sa vie bien réglée aurait repris un cours normal. Mais maintenant, elle ne pensait qu'à l'avoir dans son lit, dans ses bras, dans sa vie. C'était jouer avec le feu et elle risquait de souffrir une fois encore, mais cela lui était bien égal. S'il s'en allait, elle garderait au moins le souvenir d'une nouvelle nuit. Quand Alex lui ôta sa chemise de nuit, ses pensées se brouillèrent. Il fit glisser le long de ses bras les rubans bleu lavande, et elle frissonna délicieusement à l'idée du plaisir qu'ils allaient partager. Il pressa son corps musclé contre le sien. À cet instant, elle n'eut plus qu'un seul désir, qu'il reste avec elle pour toujours. Oh waouh, on ne les arrête plus. J'espère que vous arriverez à dormir malgré cette dernière scène passionnante et passionnée. Moi-même, je vous fais de gros et chastes bisous. À demain pour le chapitre 11. La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir. Toute l'équipe de la Radio des Bons Cons vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.